Et on n'a pas de vécu. Alors là, il s'agissait à l'instant de deux morceaux à la suite de Eddie Van Zee and Piggy Pop. Donc le premier qui était guitare à de l'album Improvimental, et le deuxième, Purée de patates aluminium part de Moulinet, qui est en fait un remix d'un morceau d'Alexis Chateaugris. Et sur le chat, c'est toujours le vide, hein, mais venez sur le chat ou sur le forum, venez écouter aussi, hein, on n'est pas des sauvages. Alors, la suite de la programmation musicale, juste après ce petit extrait, encore de la conférence qui a lieu en ce moment organisé par humanrights21.org, l'action internationale pour le respect de la vie privée et la liberté d'expression. Alors, il s'agit de Robert Radamant. Où est-ce qu'elle est ma documentation ? Voilà, documentation beaucoup plus complète que ce que j'ai dans l'éditeur, dans le lecteur audio. Ça s'appelle Exotique électronique. Ça a été composé le 12 mars 2008 et publié le 9 avril 2008 sur Dogmazic. C'est un style, il appelle ça du jungle. On ne me demandait pas de définir ce que c'est que le jungle, j'en sais rien. Moi, j'ai simplement écouté, ça m'a plu, et puis c'est tout. C'est sous licence GNU GPL, GNU Art. Un petit clic juste après ça. Mais un petit extrait d'abord de cette vidéoconférence là, pour le respect de la vie privée et la liberté d'expression. Thank you. Et je continue pendant ce temps à suivre. Donc là, à l'époque, à l'instant d'ailleurs, peut-être réannoncer le morceau puisqu'il y a eu un petit blanc, enfin un petit peu de flottement avant, enfin flottement façon de parler. Donc Robert Radamant, exotique, électronique, donc sous licence GNU GPL, GNU Art. Et là maintenant, ce que vous entendez un tout petit peu en bruit de fond derrière, c'est Freedom Not Fear et sa vidéo transmission en direct, là, un flux. Donc vous ne voyez peut-être pas l'image. D'ailleurs ici, je vois pas grand-chose d'ici, hein. C'est pas vraiment. Mais j'entends un petit peu, quoi. Et donc là, ils sont en train de faire une projection, tout simplement. On voit qu'ils sont en train de projeter quelque chose sur un écran. Donc, et que se passe-t-il sur le chat? Ben, venez, venez sur le chat, hein. J'ai vu qu'il y avait 8 auditeurs et personne qui vient discuter ni sur le chat ni sur le forum. Alors que c'est fait pour ça, hein. On demande pour que l'émission soit interactive, ben, il faut venir, hein, parce que sinon, ça va être interactif uniquement, ça sera simplement comme certains qui récupèrent le terme à des fins strictement commerciales, hein. J'ai trouvé il n'y a pas longtemps au supermarché des brosses à dents interactives. Ça me laisse un peu dubitatif, hein. Je ne vois pas ce qu'elles ont de plus interactif que les autres brosses à dents. Je veux dire, hein, c'est pour moi, ça nettoie les dents et puis c'est tout. Morceau suivant, qu'est-ce que j'ai prévu ensuite? Bien sûr, c'est ce que j'ai prévu en musique. Clear playlist déjà. Ça s'appelle, attention, je vais essayer de vous le dire sans bafouiller. Bibaboum, boubibam, babiboum. Et ça, c'est Petit Joueur, et c'est un morceau d'électro sous licence Creative Commons by 2.5, tout à fait autoproduit, de la musique libre, bien entendu, parce que c'est ce qu'on fait passer ici, de la musique libre. Et ça date de 2007, ça date d'il y a un an et demi. C'est le titre qui m'avait un petit peu attiré, quoi. Et ben, comment est-ce qu'il va traiter cette chose-là sous forme d'onomatopée? Ça n'a rien à voir avec le Baby Boom. Ça n'a rien à voir non plus avec Serge Gainsbourg, hein, qui avait écrit un morceau qui s'appelait Bim Bada Boom. Un morceau d'ailleurs qu'on peut oublier par rapport à ce que a produit Serge Gainsbourg habituellement. Serge Gainsbourg, ah ben non, c'est pas libre, hein, bien sûr, je le sais. Donc, pas de Serge Gainsbourg, mais Petit Joueur, Bibaboum, Boubibam, Babiboum. Voilà, petit clic. Bibaboum, boubibam, babiboum, ça c'était le titre. Avec, je continue à regarder, que se passe-t-il sous Freedom Not Fear? Ben, ils en sont toujours à leur projection, quoi. On va essayer d'avoir un petit peu de son. Ah d'accord, ils ont quelques petits problèmes de câblage, hein. Pour l'instant, ils en sont à quelques considérations techniques. Donc, que je vois, donc j'ai déjà enlevé ce qui vient de passer de la liste. Et je vais m'occuper du morceau suivant. On va se retrouver en pleine construction de la métallurgie. Ça c'est vraiment de la musique, comment dire, de. Ça va être viril. Parce qu'il s'agit de démoulage de Tour Eiffel en 3 temps. Et bah oui, la Tour Eiffel, elle ne s'est pas faite. On essaie de nous faire croire après qu'ils ont mis des boulons, qu'ils ont assemblé les trucs les uns après les autres. Non, non, non. Ils ont fait ça en 3 pièces, en 3 temps. Boum, ils ont démoulé ça. C'est en tout cas, si j'en crois, Serge et Agnew. Le but que je. Hop, on va copier, j'en profite là. Donc, Serge et Agnew, sur son album Martin Lamotte et ses amis. C'est un morceau de Noise sous licence art libre et ça date du 31 janvier 2007. Et donc, sur Freedom Not Fear, là, ils en sont toujours à. Ah, bah, on voit un tout petit bout là de. On voit un petit bout d'écran de moniteur là et quelques ombres qui se. Et hop, et puis il met la main devant, c'est tout noir. Ils sont en train de manipuler là leur webcam. Bon, bah, c'est. Ils sont en pleine technique. Bah, nous, on va rester donc dans la technique avec ce démoulage de Tour Eiffel en 3 temps. Et voilà que sur. On commence à avoir des images là, en fait. Ils commencent à pouvoir filmer tout doucement l'écran, même si c'est pas parfaitement cadré. Mais la vidéoprojection là, du côté de Freedom Not Fear, organisée par Human Rights 21, donc c'est l'action internationale pour le respect de la vie privée et la liberté d'expression aujourd'hui. Donc là, ils sont en plein dans leur vidéo projection qui était prévue. C'était prévu à 21 h, mais enfin bon, ils doivent avoir un petit peu d'avance. Hein. Et C'est ce que j'arrive à voir. Il se contente simplement de filmer l'écran avec. Ça marche très bien. Hein. Il y aura peut-être juste un peu le cadrage à ajuster, mais je ne doute pas qu'ils vont le faire. Et à l'instant, par contre, donc pour en venir à la revenir à la musique, il s'agissait donc de démoulage de Tour Eiffel en trois temps par Serge et Agneau sur l'album Martin Lamotte et ses amis. J'en suis toujours à cliquer, à vider mes playlists, à les re-remplir. Hein. Oui, il faut faire tout ça. Pas le choix. Hein. La musique va continuer évidemment ici pendant ce temps. Après donc ce démoulage, toute cette chose tout à fait industrielle, on passe à quelque chose d'électronique. The Crypt of a Falcon par Falcon, qui est un morceau qui a été inscrit en mai dernier sous licence Creative Commons by NC. The Crypt of Falcon, donc par Falcon, tout simplement. C'est pas compliqué à retenir. Eh bien, c'est toujours sur Radio Dogmazic en direct avec Gloop au micro. À l'instant, Falcon qui nous interprétait de Crypt of Falcon. Donc, morceau électronique sous licence Creative Commons by NC 2.0. Et je continue à regarder ce qui se passe du côté de. Comment qu'il s'appelle de nouveau ? Freedom Not Fear. Pour la journée, l'action internationale pour le respect de la vie privée, la liberté d'expression. Donc actuellement, bah, ils sont en train de faire une projection de. Donc on voit un petit peu, ce qui se passe sur l'écran, quoi. Bah, apparemment, ils projettent en fait un moniteur. C'est un écran d'ordinateur qui agrandit vers le. Ils sont. Donc, c'est, bon, je suppose, un film sous licence libre ou un truc comme ça, sous une licence GPL ou Creative Commons ou autre, hein, j'ai pas le détail, étant donné que bon, si je fais passer du son du stream pendant la musique, bah, vous l'entendez aussi, et c'est pas fait pour ça. Bah, c'est apparemment un truc et ça a l'air d'être... Ça, je pense que c'est le sujet, c'est la vidéosurveillance, hein, après ce qu'on voit, puisqu'on voit des escalators et tout un tas de gens qui passent, quoi. Qui passent tout court et non pas passe quoi, qui n'a rien à voir là-dedans. Et donc maintenant, retour nouveau donc à la de la musique. Hein. Alors un petit coucou à Mr. Piggy Pop là qui est passé en coup de vent là sur le chat IRC, mais. Vous pouvez passer plus qu'un coup de vent si vous voulez, c'est pas un problème, hein. Je ne mange personne, venez sur le chat pendant l'émission, c'est fait pour ça, pour qu'elle soit interactive. Donc, suite du programme, ce qui est prévu, c'est Expérimentation, le titre du morceau, qui a été composé par Saul Carlus le 1er mars 2008 et qui est joué par lui, on dirait que c'est un trio. Du single Expérimentation. C'est 9 minutes 10 de jazz, de free jazz, vraiment excellent, quoi. C'est sous Creative Commons by NCND 2.5, c'est autoproduit. Ça avait été enregistré, je suppose que c'est de l'improvisation, donc le 1er mars 2008, et dès le lendemain sur le site de Dogmazic. www.dogmazic.net/solcarlus, S-O-L-C-A-R-L-U-S. On ne peut pas faire plus simple. Donc, je vais couper le son de Freedom Not Fear d'abord. Voilà. Et ben, ça y est. Et j'ai redit, voilà, ben oui, il y a les habitudes qui se perdent. Évidemment, c'était pas préparé du point de vue technique, donc il faut que je fasse mes glissés dérapés et compagnie. Et maintenant, je peux vous lancer le morceau. Sol Carlus qui nous interprétait Expérimentation. Et donc toujours ce que vous entendez là derrière en fond, il s'agit de la vidéoprojection que l'on trouve, qui se passe en ce moment avec Freedom Not Fear. Donc ils sont en train de faire une projection là sur le truc. Apparemment ça parle d'informatique, de choses comme ça. Donc certainement un truc qui parle certainement on dirait que ça parle du réseau quoi, du réseau internet, de différentes sortes de choses. C'est une projection de film sous licence libre, hein, je suppose aussi. Et donc c'était prévu pour 21h et effectivement ils sont à l'heure. Donc vous pouvez suivre alors ce stream, ce flux vidéo pour ceux qui veulent continuer à regarder l'internet. Donc vous allez sur www.humanrights21.org ou alors le lien direct pour la vidéo. C'est peut-être souriez, vous êtes filmé, hein, ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, parce qu'il y a il y a différents films. Donc, vidéo projection, ils ont prévu Tora pas ma voix, regarde à vue, souriez, vous êtes filmé, TMP Lab, humain contre machine, et donc que je trouve le stream, donc http://giss.tv/8000/gisslog.ogg.m3u http://gis.tv/8000/gisslog.og.m3u et donc vous avez donc ça, vous allez sur www.humanrights21.org et vous retrouvez le lien sous le menu, il y a écrit 19h, FNF Fiesta, la suite Paris en rouge, et c'est là en dessous que vous avez le lien, non, sous online, pardon, c'est sous online, double point, c'est écrit en rouge, et c'est là que vous avez ce stream. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, et n'hésitez pas à venir alors sur le chat pour les prochaines fois. Ne me laissez pas tout seul, là je parle, je vois, bon, il y a quelques auditeurs, 5 lors du dernier relevé, quand je regarde là, il y en a 7, et il n'y a personne qui vient chatter, alors que c'est fait pour ça. Alors, bonne fin de soirée, et puis surtout, n'ayez pas peur, je ne vous mange pas, venez sur le chat pour les prochaines émissions, ici en direct, c'était Gloop. Donc en direct, évidemment, de ma buanderie, hein, vous l'entendez à l'acoustique, là, comme d'habitude. Même si le lave-linge ne fonctionne pas, c'est toujours ma buanderie. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine. Et prochain morceau qui va passer là sur Dogmazic, quand je vais couper, c'est l'émission Arche de Impulsion.